Et voici comment des cow-boys de Nintendo 64 font une parodie. Elle est canon, la fille du ranch long. Oui, je sais, je l'ai déjà dit dans une autre chanson. Maintenant, elle a une idée derrière la tête. Et un soir, elle décida d'en parler à son père. Elle voulait partir ailleurs, dans un pays inconnu, appelé Termina. Oui, je crois, elle veut partir vivre là-bas. Ils s'enfuirent et revinrent dans la plaine d'Hyrule. Et mal on réfléchit, puis à voix, Link, faut que je prenne des pilules. Parce que cette terre, on est arrivé, est tellement pourrie que pour rien au monde retournerait ni là-bas, ni Oryx. Elle voulait partir ailleurs, dans un pays, oui, qui est inconnu, appelé Termina. Oh oui, je crois, elle veut partir vivre là-bas. Elle voulait partir ailleurs, dans un pays, oui, qui est inconnu, appelé Termina. Oui, mais je crois, ont eu la terre sans Mina. Allez, Link, fais chauffer le petit Ocarina. Vas-y, mon gros. Il se débrouille bien, quand même. Wouh! Yeah! C'était beau. Bon. Maintenant, on se fait une version punk ?